les alcooliques ou les drogués, ils sont pas nés alcooliques, il leur est arrivé des événements dans la vie. Je tourne en rond alors pour me calmer, je fume un grognac. Je n'arrive pas à m'arrêter, j'ai la plume insomniaque. J'ai mal au mic et ça percute, surtout quand pas comeback. C'est v'là le comeback avec un bic, ça rime au tac au tac. Faut qu'on avance parce que la chance, mon frère, elle est tipard. Mon cerveau flanche, la nuit est blanche avec des séries noires. Mais j'essaie d'y voir clair dans cette voix trop flippante. Je vais la pleine lune, un réverbère et entendre des oiseaux qui chantent. Non, je ne suis pas un produit qu'on m'écrave avec le code barre. Si je veux pas m'endormir, c'est surtout pour pas faire de cauchemar. C'est haut, j'gars. Trop de caille dans la chaise douce et de l'eau froide, des faux joies. Faut que je boive pour esquiver les gauches, droites, nuit blanche. Et peut-être que ma feuille le restera parce que le swift de gaz, c'est pour les amateurs de vrai peur. Demande à l'exhaleur, on extermine les têtes de rage. J'ai pas la clé pour m'en sortir, la seule que j'ai te pète le bras. Nuit blanche, parsemée d'idées noires, tard le soir, je flanche, marre de cette vie de clébard. De nuit blanche, ouais, c'est la fin des haricots. Moi je chante la déprime et le chagrin des parigots. De nuit blanche, j'ai des cernes, mes nerfs cèdent. La misère m'a cerné, ma cervelle n'est guère cède. De nuit blanche, ouais, c'est converge, ma galame. La cogite nous rembarge, j'ai vagué, j'ai pas l'âme. Des nuits blanches comme la feuille que je m'apprête à noircir. J'ai beau lutter, rien ne change, non, j'arrête pas de moisir. Seul un brin de chance pourra peut-être m'assagir. Y'a urgence, mec, ma rage est loin d'être passagère. Blanche, comme ma tronche face à ma fiche de paix. C'est insomnie qui me ronge, j'ai maladie, je le sais. T'es malabif que je fais, je suis pâle comme un cul. Leur beau discours sonne vrai, ça ne m'a pas convaincu. Blanche, comme l'assiette et la nappe d'un bourgeois. Je vois tous les pauvres à sec, ça tape chacun pour soi. Grave, ça devient sournois, l'homme a plusieurs facettes. Réveillez votre sagesse, là c'est plus l'heure de la sieste. Blanche, comme la cesse qui tramolit l'esprit. Comme la ligne que je franchis dès que la folie s'exprime. Comme cette garce de colombe en voie de disparition. Comme ces fumées de pilon qui noircissent ma vision. De nuit blanche, et parsemée d'idées noires, tard le soir je flanche, marre de cette vie de clébard. De nuit blanche, ouais c'est la fin des haricots. Moi je chante la déprime et le chagrin des parigots. De nuit blanche, j'ai des cernes et mes nerfs cèdent. La misère m'a cerné, ma cervelle n'est guère saine. De nuit blanche, ouais c'est converge, ma galame. La cogite nous rembarge, j'ai vagué, j'ai pas l'âme. C'est tout de même des gens à qui il est arrivé des bricoles, ça, vous comprenez. À partager de bonnes vibrations dans l'émission Télémargo. Télémargo, ça passe de verdure, tout comme PACO. Père ces hommes qui s'évertuent à faire perdurer l'affaire. Exécute avec des mots qui peuvent te percuter la terre. Sans raison financière, j'ai pas de vécu qui s'achète. Tout comme ce stup en sachet, ou cette fille déçue de sa chair. Et ouais, la vie ne s'apprend pas, le cul posé sur sa chaise. Ou HEC, ça je le sais depuis que j'ai compté mes premiers 16. Elle est vraie, le savent, je n'en suis plus à ma période d'essai. Ma plume essuie mes larmes à l'allure où mes proches décède des cernes. Sous les yeux j'observe la terre qui saigne. Je fais tout ce que je peux pour ne pas décevoir ma mère si fière. Bien avant de vous quitter, je laisserai ce monde sans voir. En hommage aux nuits blanches là que j'ai passé dans le noir. Afin que mes écrits reflètent librement ce que j'ai en moi. Pour représenter les miens et sa peur porte l'endroit. Quand les dames regardent haut par peur de me voir trop grand, instaure la tolérance zéro et attise de l'arrogance qui donne. Une page de plus que j'arrose d'encre. Ou l'impression d'être parti de rien et chaque jour ça recommence. Des nuits blanches. Des noirs tard le soir, je flanche, marre de cette vie de clébard. De nuit blanche, ouais c'est la fin des haricots. Moi je chante la déprime et le chagrin des parigots. De nuit blanche, j'ai des cernes et mes nerfs cèdent. La misère m'a cerné, ma cervelle n'est guère saine. De nuit blanche, ouais c'est converge, ma galame. La cogite nous rembarge, j'ai vagué, j'ai pas l'âme.